les voyageurs se trouvaient désormais à 25 milles à peine du fleuve Sénégal. « Il faut à tout prix le passer en ballon, » dit le docteur. « Pour cela, nous devons nous alléger encore. Nous allons employer un dernier moyen pour alléger notre Victoria. Il faut nous débarrasser des quais du chalumeau, de la pile de Bunsen et du serpentin. Mais Samuel, comment ensuite obtiendras-tu la dilatation du gaz? Je ne l'obtiendrai pas, nous en passerons. Mais enfin, écoutez-moi mes amis, j'ai calculé fort exactement ce qui nous reste de force ascensionnelle. Elle est suffisante pour nous transporter tous les trois avec le peu d'objets qui nous restent. Nous ferons à peine un poids de 500 livres, en y comprenant nos deux ancres que je tiens à en conserver. Il faut sacrifier notre appareil. Ce ne fut pas un petit travail. Le Victoria, délivré enfin de ce poids considérable, se redressa dans l'air et tendit fortement la corde de l'ancre. À minuit, ces divers travaux se terminaient heureusement, au prix de bien des fatigues. La nuit était paisible. Un cercle de feu entoura le Victoria. Ferguson, se précipitant sur la corde de l'ancre, la trancha d'un coup de hache. Le Victoria, débarrassé de ses liens, monta de plus de 1000 pieds dans les airs. Le ballon se porta vers l'ouest. Il était 4 heures du matin.